Moi, dit le quatrième, j'ai enduré des souffrances atroces par le contraire de ce qu'on reproche en général à l'égoïste femelle. Je vous trouve malvenu, trop fortuné mortel, à vous plaindre des imperfections de vos maîtresses. Cela fut dit d'un ton fort sérieux par un homme d'aspect doux et posé, d'une physionomie presque cléricale, malheureusement illuminée par des yeux d'un gris clair, de ces yeux dont le regard dit « Je veux » ou « Il faut » ou bien « Je ne pardonne jamais ». Si, nerveux comme je vous connais, vous, G, lâches et légers comme vous êtes, vous deux, K et J, vous aviez été accouplés à une certaine femme de ma connaissance, ou vous vous seriez enfui, ou vous seriez mort. Moi, j'ai survécu, comme vous voyez. Figurez-vous une personne incapable de commettre une erreur de sentiment ou de calcul. Figurez-vous une sérénité désolante de caractère. Un dévouement sans comédie et sans emphase. Une douceur sans faiblesse, une énergie sans violence. L'histoire de mon amour ressemble à un interminable voyage sur une surface pure et polie comme un miroir, vertigineusement monotone, qui aurait réfléchi tous mes sentiments et mes gestes avec l'exactitude ironique de ma propre conscience, de sorte que je ne pouvais pas me permettre un geste ou un sentiment déraisonnable sans apercevoir immédiatement le reproche muet de mon inséparable spectre. L'amour m'apparaissait comme une tutelle. Que de sottises elle m'a empêché de faire, que je regrette de n'avoir pas commises, que de dettes payées malgré moi. Elle me privait de tous les bénéfices que j'aurais pu tirer de ma folie personnelle. Avec une froide et infranchissable règle, elle barrait tous mes caprices. Pour comble d'horreur, elle n'exigeait pas de reconnaissance, le danger passé. Combien de fois ne me suis-je pas retenu de lui sauter à la gorge en lui criant « Sois donc imparfaite, misérable, afin que je puisse t'aimer sans malaise et sans colère !» Pendant plusieurs années, je l'ai admirée, le cœur plein de haine. Enfin, ce n'est pas moi qui en suis mort. « Ah ! Firent les autres, elle est donc morte ?» Oui, cela ne pouvait continuer ainsi. L'amour était devenu pour moi un cauchemar accablant. Vaincre ou mourir, comme dit la politique, telle était l'alternative que m'imposait la destinée. Un soir, dans un bois, au bord d'une mare, après une mélancolique promenade où ses yeux, à elle, réfléchissaient à la douceur du ciel et où mon cœur, à moi, était crispé comme l'enfer, « Quoi ? Comment ? Que voulez-vous dire ? » C'était inévitable. J'ai trop le sentiment de l'équité pour battre, outrager ou congédier un serviteur irréprochable. Mais il fallait accorder ce sentiment avec l'horreur que cet être m'inspirait. Me débarrasser de cet être sans lui manquer de respect. Que voulez-vous que je fisse d'elle, puisqu'elle était parfaite ? Les trois autres compagnons regardèrent celui-ci avec un regard vague et légèrement hébété, comme feignant de ne pas comprendre et comme avouant implicitement qu'ils ne se sentaient pas, quant à eux, capables d'une action aussi rigoureuse, quoique suffisamment expliquée d'ailleurs. Ensuite, on fit apporter de nouvelles bouteilles pour tuer le temps, qui est la vie si dure, et accélérer la vie, qui coule si lentement.